Voici, en 3h15, de larges extraits du roman de Jules Verne publié en 1867, Les enfants du capitaine Grant, sous-titré Voyage autour du monde. Choix des textes, résumés et enregistrements, Jean-Paul Alexis, décembre 2021, janvier 2022.